Assis côte à côte sur les hauts tabourets du bar, Laurent et Samuel ne savaient plus quoi se dire. Entre eux, l'amitié complice avait cédé la place à une animosité mal dissimulée, dont Samuel se savait responsable. Chaque fois qu'il se trouvait avec Laurent à l'aéroclub, il se montrait agressif malgré lui et ne pouvait s'empêcher de poser des questions indiscrètes. Laurent y répondait avec réticence, tout en affichant un air d'homme comblé qui exaspérait Sam. Le barman posa les cafés devant eux sur le comptoir de cuivre, puis battit en retraite au lieu de se livrer à ses plaisanteries habituelles. Sam en déduisit qu'ils devaient avoir triste mine tous les deux. Pourtant, ils étaient en général les gaillurons du club. « Le plus raisonnable serait de ne plus en parler », suggéra Laurent. « Pourquoi ?»« Parce que tu ne le supportes pas, Sam. Tu me demandes où j'en suis avec elle, comment elle va, et puis ça dégénère. Je ne suis que ton successeur, mon vieux, pas ton rival. Ou alors il fallait me prévenir. » Le regard bleu acier de Laurent ne sciait pas, planté dans celui de Samuel qui bougonna. « Il y a des milliers d'autres femmes, et tu peux toutes les avoir si tu veux. Tu n'étais pas obligé de choisir celle-là. Tu préférerais qu'elle reste seule ?» Sam haussa les épaules, comme s'il venait d'entendre une énormité. Néanmoins, la réflexion de Laurent était juste. L'épanouissement de Pascal passerait forcément par un autre chemin que la solitude. Elle allait avoir 33 ans, et son désir d'enfant avait dû s'aiguiser. De là à pouvoir imaginer Pascal dans le lit de Laurent, se remariant avec Laurent, s'installant avec lui. Mais non, elle ne quitterait pas Pérol après s'être donné tant de mal pour l'obtenir. Sauf si elle était vraiment très amoureuse. En tout cas, rassure-toi, Pascal n'est pas qu'une aventure pour moi. J'y tiens énormément. Et elle ? Demanda Sam d'un ton abrupt. Laurent prit le temps de se déplier un sucre, de remuer son café. Je ne sais pas, avoua-t-il enfin. Je ne suis pas dans sa tête, mais je crois qu'elle a envie de construire, de fonder une famille. Avec toi ? Je ne serai pas le pire des candidats, fit Laurent avec un faible sourire. Sans doute était-il embarrassé par cette discussion. Pourtant, Sam crut déceler une autre faille. Si Laurent avait l'attitude d'un amant heureux, en revanche, il ne possédait manifestement aucune certitude quant à l'avenir. Aujourd'hui, Pascal devait être plus prudente qu'elle ne l'avait été 10 ans auparavant. Dès le début entre elle et Sam, la perspective du mariage s'était imposée d'elle-même, avec la notion d'amour toujours et des serments d'éternité auxquels ils avaient cru tous les deux. « Sam, tourne la page, laisse-la vivre et oublie-la. »« Rien que ça. Et si je te conseillais d'en faire autant ? De quel droit ?» En effet, il n'en avait plus aucun, ce qui rendait inepte son envie de frapper Laurent. Il prit une grande inspiration, essayant désespérément de rester calme. « Vous avez divorcé, Samuel. Votre histoire est terminée. Tu es mon ami et tu prétends être aussi le sien. Tu n'as pas envie de la voir heureuse ?»« Pas sous mon nez, pas avec toi !» C'est égoïste et infantile, je sais, mais c'est comme ça. Le ton violent de Samuel avait fait se redresser Laurent. Ils se dévisagèrent un moment en silence. Pour la première fois depuis qu'il le connaissait, Sam vit que Laurent pouvait se transformer en ennemi et ferait un adversaire redoutable. « Bon, prends un autre instructeur pour ta leçon d'hélico. Je ne suis pas en état de te donner un cours cet après-midi », déclara-t-il en jetant de la monnaie sur le comptoir. « Sam, je ne tiens pas à ce qu'on finisse accroché par une ligne à haute tension. » Et c'est ce qui nous arrivera si on continue à s'engueuler en pilotant. » Sa première élève, un quart d'heure plus tard, était heureusement une gentille jeune femme qui ne lui posait aucun problème relationnel. Il traversa le bar sans se retourner et décida d'aller se promener dans les hangars, la vue des avions et des hélicos le mettant toujours de bonne humeur. Là où Laurent n'avait pas tort, c'est qu'il devait vraiment cesser de s'obnubiler sur Pascal, la laisser vivre à sa guise, se réjouir pour elle, se comporter en ami. « Je n'y arriverai jamais. Je suis le dernier des cons. Et en plus, je me couvre de ridicule, c'est complet. » Se fâcher avec Laurent n'était pas dramatique, mais continuer à se miner de la sorte finirait par le rendre aigri, infréquentable. Arrêté devant le Hughes 300 avec lequel il comptait voler, il enfouit ses mains dans les poches de son blouson. Bon sang, qu'est-ce qui lui arrivait donc ? Durant plusieurs minutes, il resta planté là. Occupé à s'apitoyer sur le sort du pauvre Samuel Hoffman, qui avait tout dans la vie. Vraiment tout, sauf la femme qu'il aimait. Après avoir donné son cours à sa jeune élève, il s'aperçut qu'il avait une heure à tuer et il regagna le bar pour y prendre un autre café. Il espérait vaguement trouver Laurent, prêt à s'excuser, mais celui-ci avait quitté le club sans se donner la peine de chercher un autre instructeur. Déçu, il commanda un express et grimpa sur un tabouret, tandis que le barman lui lançait d'un air goguenard. « Ne t'assieds pas ici, il y a une dame qui t'attend à une table là-bas. » En se retournant, Sam découvrit avec stupeur Marianne, installée près d'une baie vitrée. Elle était de dos, absorbée par le spectacle des pistes, une drôle de casquette posée de travers sur ses boucles blondes. Un peu anxieux, il prit sa tasse et la rejoignit. « Salut Marianne, tu viens nous rendre une petite visite ?» Il s'installa en face d'elle, s'obligeant à sourire. « C'est toi que je voulais voir, » commença-t-elle d'un ton grave. « Pour ma première sortie en voiture, ton club fait un bon but de balade. »« En voiture ?»« J'ai acheté une petite japonaise automatique. »« Ah ?»« Avec ton argent. »« Pour ma jambe, une automatique, c'est plus facile. »« Tu as bien fait. » »« Et il ne s'agit pas de mon argent, Marianne. »« Si, si. » »« Sans toi, je n'aurais pas pu me permettre ce luxe. » J'ai aussi loué un emplacement de parking dans mon immeuble. Et puis j'ai réglé mes factures en retard, je me suis payé des fringues, et malgré ça, mon compte est toujours créditeur. Je tenais à te remercier, Samuel. Manifestement, elle se forçait à prononcer chaque phrase comme une leçon bien apprise. Tu ne me dois rien. Surtout pas des remerciements, assura-t-il fermement. T'aider était le moins que je pouvais faire, je te l'ai expliqué. Il avait eu un mal fou à lui faire accepter son chèque, qu'elle avait fini par prendre à contre-cœur, les lèvres pincées, les larmes aux yeux, et ils ne s'étaient pas revus depuis. « Marrant de ta casquette !» dit-il pour parler d'autre chose. Fuyant son regard, Marianne fit semblant d'observer le décollage d'un ULM. « J'aurais peur là-dedans, » murmura-t-elle. Jamais il ne l'avait emmenée avec lui, même pas pour un baptême de l'air, et il regretta de s'être montré aussi indifférent. Désireux de conserver l'aéroclub comme son territoire, il en avait exclu, sans s'apercevoir qu'elle souffrait de cette mise à l'écart. « On peut aller les voir de plus près ?»« Bien sûr. Si ça t'amuse, je vais demander quel appareil serait libre pour faire un petit tour en fin d'après-midi. Ça devrait te plaire. »« Non, Sam, tu es gentil. Je n'y tiens pas. J'ai beau avoir confiance en toi, ces trucs vont beaucoup trop vite pour moi. Tu sais, je ne suis pas très casse-cou. Je ne monte même pas sur les manèges. » La connaissait-il si peu ? Au cours de leur liaison, il ne s'était pas beaucoup intéressé à elle, toujours occupé à chercher le moyen de rompre sans trop la blesser, car il ne parvenait pas à l'aimer pour de bon. Il la précéda vers une porte qui donnait directement sur les pistes. Une fois dehors, il la prit par le bras et commença à lui expliquer l'organisation des taxiways, la manière dont les pilotes se positionnaient au point d'attente, l'importance du vent, de la température et de la pression au décollage. « Tiens, regarde, un avion est en approche, il va se poser. » Les mains en visière, ils contemplèrent la descente puis l'atterrissage impeccable d'un Cessna. « Tu en parles bien ? Ça te passionne vraiment ?» remarqua-t-elle d'un air émerveillé. Elle semblait découvrir quelque chose et devait regretter qu'il ne se soit jamais adressé à elle avec autant de passion. Mal à l'aise, Sam estima que le moment était venu d'être tout à fait franc. « Marianne, écoute. J'ai été lamentable avec toi. J'en suis conscient et j'en ai honte. » « Non, Sam. Tu as essayé 1000 fois de me dire que tu ne m'aimais pas. Seulement, je ne voulais pas t'entendre. Je m'accrochais, tu cédais, et on remettait ça. Pourquoi n'as-tu pas rompu plus tôt ?»« Par lâcheté et par égoïsme, ce qui n'est pas très glorieux. Tu es jolie, Marianne. J'en ai profité et je m'en veux énormément. Tu mérites autre chose. » Elle ne répondit rien, mais se remit en marche vers le parking cette fois. Il la laissa prendre un peu d'avance, constatant qu'elle ne boitait plus. Puis il la rattrapa. « Tu t'en vas ?»« Oui. Je ne suis venue que pour te promettre de te laisser tranquille maintenant. » D'un geste fier, elle désigna une petite Nissan verte au chrome étincelant. « Voilà la merveille !» Ses clés de voiture à la main, elle fit face à Samuel qu'elle enveloppa d'un long regard triste. « Cet argent que tu m'as donné, c'est la pire chose que tu pouvais me faire, Sam. Pourquoi ? Je voulais seulement te débarrasser de tes soucis matériels. Je t'ai envoyé à l'hôpital, Marianne. » « Il s'agit d'un accident, nous le savons tous les deux. D'ailleurs, tu as limité les dégâts, on aurait pu mourir sous ce camion. » « Tu étais ma passagère, c'est moi qui tenais le volant. Heureusement pour nous deux. » Elle essayait de plaisanter, pourtant le cœur n'y était pas. « Marianne, l'argent n'est pas une injure. Mon intention n'avait rien de méprisant. » « Eh bien moi, j'ai pris ton chèque pour solde de tout compte. En me l'offrant, tu m'as fait comprendre que c'était fini. Je l'aurais volontiers déchiré. Mais qu'est-ce que ça aurait changé ? Tu as acheté ta tranquillité ? C'était plus explicite qu'un long discours pour mettre un point final. « Tu as tort. » protesta-t-il d'une voix sourde. Cependant, il n'en était pas certain. Il avait voulu l'aider, mais aussi se déculpabiliser. Tu dis que l'argent n'a rien d'injurieux. Pourtant, quand Pascal en a eu besoin, tu le lui as prêté. Tu te serais bien gardé de lui en faire cadeau, parce qu'elle te l'aurait jeté à la tête. Et tu l'estimes, tu la respectes, parce que tu l'aimes. Et à mon avis, tu l'aimeras toute la vie. Il n'y a aucune place dans ton cœur pour quelqu'un d'autre. Tu devrais la redemander en mariage, Sam. Je ne plaisante pas. Elle n'en avait pas l'air. Au contraire, elle paraissait bouleversée, épuisée. Au prix d'un effort visible, elle se détourna et monta dans sa voiture. Avant de démarrer, elle baissa sa vitre. « J'abandonne la partie, Samuel. Ça devrait te soulager. Bonne chance à toi. » Tandis que la Nissan s'éloignait, il se sentit absolument misérable. En dessous de tout, mais oui, soulagé. Toutes les dernières tentatives de séduction de Marianne l'avaient embarrassé et contrarié. Au moins, il n'aurait plus à faire celui qui ne voulait pas comprendre. L'unique sentiment qu'il éprouvait pour elle était un mélange de compassion et d'affection propre à la révoltée. Il l'avait dissimulé tant bien que mal, ne sachant plus quel comportement adopter. À présent, Marianne était sortie de sa vie. Elle l'avait enfin libérée. Il regagna l'aéroclub à pas lents, méditant les dernières phrases échangées.